بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما خلاصة الباب الذي أخذناه بالأمس رزمي الغلو في الدين هو سبب الكفر بني آدم وفرقه من دينهم Là, l'exemple de Kitab al-Tawhid, c'était par rapport au shirk, le rouleau, ça peut aussi avoir des conséquences par rapport au manhaj, par rapport à... C'est nuisible dans tous les aspects, par rapport au dit pas que dans le tawhid. Le rouleau, yu'addi ila amrayn, aqalluhuma al-bid'a. Ça va amener à deux choses, le rouleau. Soit la bid'a, soit le shirk. Celui qui astamir ala hadha, il le prend comme manhaj, il finira dans la bid'a ou finira dans le shirk. On ne dit pas que tout rouleau, toute personne qui a fait une forme de rouleau sur une mas'al en particulier, un moubtadi' ou un mushrik. C'est un point. Mais celui qui en fait un minhaj, une chose sur laquelle il avance, sa compréhension est basée sur le rouleau ou kazalik, il finira soit dans la bid'a ou soit dans le shirk. Et que ce rouleau, comme on l'expliquait, a des conséquences néfastes sur le ra'ali et sur le marloufi. C'est-à-dire celui qui fait du rouleau, il se nuira lui-même et il pourra causer nuisance à celui envers qui il fait du preuve de rouleau. Si ce dernier ne se désavoue pas de cela et ne fait pas en sorte d'empêcher l'autre d'avoir du rouleau. Al-an sanatroul fi babayn jadidayn, inshallah. Car ces deux babs sont liés l'une à l'autre et sont la suite logique du bab précédent qui était le rouleau. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Donc le premier bab qu'on va prendre, qui est le 20e des deux, qui est ce qui est venu comme sévère menace sur celui qui adore Allah auprès de la tombe d'un homme salih, alors que dire si jamais il devait l'adorer, car il a un erticode qu'en ce lieu-là il y a une chose qui se passe, une baraka ou une chose, soit par rapport yani, au sahib al-kabr en lui-même, ou soit une cause qu'il aurait fait entre lui et Allah. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا باب عظيم كالذي قبله أي باب ما جاء من الأدلة في تغليظ فإن كانت الأدلة جاءت بإنكار عبادة الله عند قبور الصالحين فكيف إذا عبده واتخذوا إلها من دون الله فالتعليظ يكون أشد لأن الأول وسيلة والثاني شرك أكبر. Donc ça c'est un bab, qui est immense comme celui qui est avant. Et c'était les adilla qui viennent pour montrer la sévère menace et la grande réprimande sur celui qui adore Allah auprès de la tombe des gens salihin. Alors que dire si jamais il se met à les adorer et les prendre comme des divinités en dehors d'Allah. Et le premier, c'est un moyen qui mène au shirk. Le deuxième, c'est le shirk en lui-même. Et l'islam, comme tu le sais, est venu pour fermer les portes. Et ça, c'est exactement ce que font les Kuburiyoun. قال المؤلف وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من السور فقال أولئك إذا مات فيما رجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك السور أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث المتفق عليه. Selon Aïcha, qu'elle a dit que Umm Salama a évoqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam une église qu'elle avait vue en terre de Habasha. Habasha, c'est l'Éthiopie. On l'appelle également en français Abyssinie. Donc une église qu'elle avait vue qui renfermait beaucoup d'images. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, cela, lorsqu'un homme d'entre eux pieux meurt, ou un serviteur pieux meurt, il construit sur sa tombe un masjid et il façonne son image. Et ceux-là sont les pires de la création auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, Ça, c'est le hal de qui? Des Nasara. C'est les Nasara qui font cela. Donc, comme il dit, Sawwaru fihi as-suwar, ay as-suwar ar-rajul as-salih, aw lahu li-atba'ihi kama jara li qawmi Nuh. C'est-à-dire qu'ils font des suwar de cet homme pieux pour lui, ou alors pour lui et pour ses suiveurs, comme cela est arrivé au peuple de Nuh. Le peuple de Nuh, je pense qu'on a dit qu'on a parlé des suiveurs, justement. On parlait des hommes pieux en soi, à main des suiveurs. Mazukira, Allah alam. Et le fait qu'ils sont les pires de la création auprès d'Allah, c'est-à-dire ceux qui font ce genre d'actes. Car ça, c'est un sabab parmi les asbabs du shirk. Et le plus souvent, ils font cela car ils ont un irtiqad shirki dans leur cœur. فَتَعْظِيمُهُمْ الْكُبُرُ وَالْبَنَايَ عَلَيْهَا لِتَعَبُّدْ وَيُسْتَعَاثُ بِهَا فَصَارُوا بِهَذَا شَرَرَ الْخَلْقِ. C'est-à-dire pour ce qu'ils ont comme ta'azim des kubours et de construire des choses sur ces kubours afin d'y faire des actes d'adoration ou d'y rechercher le secours, ils sont devenus par cela les pires de la création. Jusqu'aujourd'hui, tu le vois dans les églises. Je ne sais pas si tu es rentré dans une église, toi. Ça, c'est marlouf, ce qu'ils appellent les vitraux. Tu vois plein d'images sur les... avec des couleurs qui font avec des bouts de verre colorés et ils te font plein de soir. Ils te font Isa, alayhi salam, ils te font Samer, alayhi salam, ils te font Jibril, ils te font des malaïkas soi-disant. Un tas de choses. Et parmi ce qu'il y a de plus surprenant qu'ils aient fait également, comme tu peux le voir sur la cathédrale de Notre-Dame qui est à Paris, des gargouilles. Je ne sais pas si tu as vu c'est quoi une gargouille. En fait, ce sont des statues d'animaux ou de créatures maléfiques qui sont là pour protéger l'église. Des espèces de monstres avec des ailes de chauve-souris, des têtes de chien et des corps de crapaud, je ne sais quoi. Et c'est des formes de démons sculptés, voilà, qui sont soi-disant des gardiens. Donc c'est Adib. Ils représentent des démons qui sont des gardiens des lieux d'adoration pour Allah, d'après eux. Car les gargouilles, c'est une apparence effrayante. Faire peur aux gens. À la base. Quelqu'un, il voit une gargouille, parce qu'il, normalement, il ne rentre pas dans ce lieu-là. Il se dit, si ça, c'est le gardien, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur alors? Et pourtant, ils le font. C'est vraiment absurde. C'est pas toutes les églises qui ont cela. Mais je sais que la cathédrale de Notre-Dame, ils ont ça. Ils ont des gargouilles. Et d'autres cathédrales, elles en ont aussi. Maintenant, c'est quoi la différence entre une église, cathédrale, une chapelle, tout ça, je connais pas. Ma femme. La différence entre ces lieux-là, je connais pas. Il y a un fork sûrement, mais en tout cas, tous servent le même hukm en islam, de toute façon. L'appellation ne change pas le haqa'iq, que c'est un lieu que les Nasara ont pris comme le lieu de ta'aboud. Dans lequel, comme on expliquait dans le Doulous, il y a du l'ibad al-illah, c'est la base, ils l'ont fait pour Allah, et dedans, il y a aussi du shirk akbar qui se fait. Donc celui qui fait ce genre d'acte est tombé dans le tashabbuh bin Nasara. Il ressemble au Nasara. Et aura suivi leur voie en cela. وقال بعد هذا وأعظم من فعله هم الرافضة الذين غلوا في آل البيت وهم أول من بنى على الكبر وبنوا عليها المساجد وعبدوها من دون الله ثم قلدهم أناس من أهل السنة من كثير من بلاد المسلمين وقد وقع اتباعها للكفار حزوة الكذة بالكذة. Donc les premiers qui ont fait ce mauvais acte parmi les gens qui s'apparentent à l'islam, ce sont les Rafida, qui ont exagéré dans les gens de la maison prophétique. Ils sont les premiers à avoir construit, avoir fait des coupoles ou autres et des masajides sur les kubours. Ils se sont mis à adorer ces kubours en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils ont été imités en cela par des gens qui s'apparentent à la sunna dans le pays des musulmans. Et là, tambi, c'est que là, le shir, il dit min ahl sunna. Il y a un taksim qui a été fait que tout ce qui n'est pas shiri Ou Rafidi, c'est sunni. Sa taqsim am, je crois que Cheikh al-Islam, il le cite. Et certains ulama de notre Cheikh Yahya, il dit ce taqsim, il n'est pas sawab. Car celui qui n'est pas salafi ou quoi, c'est pas un sunni. Il ne suit pas la sunna. Mais peut-être dire c'est pas un sunni. Donc ce taqsim am qu'ils ont fait sunna et shi'a, là, c'est un taqsim fi nazar. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas un chiite, c'est un sunnite. Donc en quoi le sunni se particularise du fait qu'il suit la sunna? En quoi le soufi suit la sunna? En quoi le ikhwani suit la sunna? En quoi le tabliri suit la sunna? En quoi ces gens-là suivent la sunna? Pour dire qu'ils sont des sunnites. On dit que ce n'est peut-être pas des shia, mais ce n'est pas des sunnites non plus. Le sunni, c'est le salafi. Ada wa qawl sawab fi hadhihi al-mas'ala. Et c'est pour cela que tu as déjà tombé dans la... Ils ont fait la grande erreur de dire que le os chez les gens, c'est la sunna. Et ils se basent sur taqsim l'intérieur. Enfin, du moins, ils ne savent pas. Mais quand ils prennent les paroles des ulama qui disent le os fait l'islam ou la sunna, et après ils ont dit que le os chez les musulmans, c'est que c'est un salafi, ils ont pris des calèmes de ulama dans ce taqsim-là, ils n'ont pas compris. Que pour eux, les ulama, quand ils disent sunna, ils veulent dire tout ce qui n'est pas chiite. Ils ne veulent pas dire salafi forcément non plus. Et ils prennent des textes comme ça, ils se font un cocktail, ils n'ont rien compris au texte. Les ulama, quand ils disent le os fait l'islam ou la sunna, ils veulent dire quoi? Que ce n'est pas un chiite et que ce n'est pas un rafidi. C'est ça qu'ils veulent dire. Et non pas que c'est un salafi. Mais t'en as, ils ne comprennent pas ce genre de choses. Ils se précipitent et inventent des règles et tombent dans des tarabbot comme celui-ci. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. Donc là c'est le kalam du mu'allif. Dans le livre il parle très peu. Akthar shay c'est adillah. Et kalam as-salaf et l'a'imma. Donc il dit ces gens-là ont réuni entre deux grandes fitnas qui est celle des qubur et celle du tamathil de faire des statues et des représentations. Là, ils ne font pas que des statues. Ils font aussi des, comme on l'expliquait là dans les vitraux, ce genre de choses, ils font aussi des images, des peintures. وقال ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره وأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. Donc, toujours selon le Bukhari et le Muslim, qu'elle est dit Aïcha radiallahu anha, lorsque les affres de la mort sont durcies sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il posait sur son visage un bout de tissu ou un vêtement. Et lorsqu'il se mettait à étouffer à cause de ce vêtement, il le retirait. Et il disait que la malédiction d'Allah, ce sont les Yahoud et Nassar, les Juifs et les Chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs NBA comme étant des lieux de salat, des masajid. Donc il a mis en garde de leur fait. Si ça n'avait été cela, sa tombe aurait été rendue apparente. Hormis du fait qu'il craignait qu'elle ne soit prise comme étant un lieu d'adoration, de salat. Donc là, le hadith en lui-même, il est wadih. Déjà, en premier lieu, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a été atteint par les affres de la mort, alors qu'il est le meilleur des hommes, même de la meilleure des créatures. Et cela pour que son taraja soit élevé et être un exemple pour la Ummah. Parce que de mettre quelque chose, une maladie ou quoi, tu te dis, il m'arrive ceci, selon on dit le meilleur que toi a vécu pire que toi. Et qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yu'aku, rajulan. Il subissait ce que subissaient deux hommes. Que tu subis toi, il le subissait deux fois. Bien plus que toi. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la la'na sur les Yahoud et les Nassar. Pour leur fait, du fait qu'ils faisaient des masajids sur les kubours. Et quand on dit masjid, ça va arriver à la fin, c'est un lieu de sujoud, un lieu de ibadah. C'est pas forcément comme les gens l'appellent mosquée aujourd'hui. Masjid là-bas, c'est ism meken, c'est un lieu de prosternation. Donc, il veut dire par là, c'est un exemple de la prosternation qui est celle de la salat pour englober toute l'ibada en fait. Toute l'ibada. Bien que le musulman, bifadlillahi ta'ala, n'est pas comme le chrétien ou comme le juif, il n'est pas limité au masjid pour l'ibada. Fait l'ibada où qu'il soit. Seulement, le masjid, c'est un lieu pour certaines ibadas khas, comme salat al-jama'a, ou le jumu'a, ou ce genre de choses, dans lesquelles il y a les musulmans se réunissent en dehors du Eid, qui lui se fait dans le musalla. En dehors de cela, le musulman en ibada où qu'il soit. On n'est pas comme les nasara qui disent, moi, j'adore Dieu dans l'église. Après, quand je sors, je suis monsieur tout le monde. On dit, le musulman, il est abidunillah, fi kulli makan. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois, en toute situation. Et en dehors de la salat farida en jama'a, le meilleur endroit pour la salat, c'est chez toi. Donc nous, on n'est pas comme eux. Par rapport à ça. Donc s'il craignait que son cobre soit pris comme un lieu d'adoration, il aurait été enterré dans un lieu ouvert comme le lieu de Sahaba. Mais lui, il a été enterré où? Dans la roulfa de Aïcha, radhiyallahu anha, car c'est là qu'il était en train de souffrir avant de mourir. Et les NBS ont enterré là où il meurt. قال الشيخ غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا لألا يأتي أناس بعد الصحابة ويبدون عليها مسجدا أما الصحابة فلا يفعلونه وهذا الآن يقع من بعض الجهلة الذين يزورون المسجد يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من وراء الجدار وهو شرك أكبر. Il a dit justement pour ne pas que des gens après les Sahaba viennent et bâtissent sur sa cobre un masjid. Et les sahaba, eux, ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ça arrive que beaucoup de gens, lorsqu'ils visitent le masjid, masjid Nabawi, ils invoquent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est le Cheikh Akbar. Et la masala, on l'a cité, que des gens prennent le fait que le cobre du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a été mis dans le masjid. Cheikh Al-Thamin, yarad ala hadha min adat wujuh. Que premièrement, le cobre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été rentré dans le masjid. Le masjid, il existait déjà quand il est mort. Et kazalik, le masjid n'a pas été bâti sur sa tombe, car il est mort et le masjid existait déjà. Donc les deux vont ensemble. Et comme on l'a expliqué, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-anbiya tudfanuna min haythu matu. Ils sont enterrés d'où, là où ils meurent, comme cela fait rapporter dans le hadith de Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu. Donc il est mort où? Dans la roulfa de Aïcha. Et la roulfa de Aïcha était à côté du masjid. Et par la suite, le masjid a été agrandi. Donc il a renfermé la roulfa de Aïcha. Et certains sahaba n'ont pas été d'accord avec cela. Il n'y a pas eu ijma des sahaba. Et quand bien même, ijma ou pas ijma, quand même, le masjid n'a pas été bâti sur son cobre. Et sa tombe, une fois qu'il est mort, il n'a pas été enterré dans le masjid. Ni l'un ni l'autre, comme eux le font aujourd'hui. Alors leur wali, il meurt parmi les soufiyas. Soit il l'enterre dans le masjid, ou soit alors il enterre un endroit, il faut un masjid autour de lui, sur lui. Ça n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sache que des sahaba, comme je t'ai expliqué, comme le dit Cheikh Al-Thamin, n'ont pas agréé le fait que le masjid, par la suite, se retrouve dans l'enceinte du masjid. Que le corps du Nabi sallallahu alayhi wa sallam se retrouve dans l'enceinte du masjid. Certains n'ont pas, même parmi les tabi'in, certains n'ont pas été d'accord avec cela. Il n'y a pas eu ijma sur la mas'ala. En tout cas, le cobre, il a été entouré et préservé de sorte à ce que les gens ne puissent faire salade vers lui, c'est-à-dire il n'est pas dans la direction de la Qibla. Non. Quoi qu'il en soit, qu'il soit dans le masjid ou pas, de toute façon, tu as des gens qui l'invoquent, de toute façon. Ça, c'est inévitable. Même s'il aurait été ailleurs, les gens l'auraient. Même, tu as des gens dans leur pays, dans leur chambre, ils l'invoquent. Donc, et ça, c'est le Cheikh Akbar. Car c'est un doa lire l'illah. Fichei, la yakdiru alayhi l'Allah. ثم قال المؤلف ولمسلمين عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسين وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا لولا كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا الكبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. Donc le musulman rapporta selon Jundub radhiyallahu anhu qu'il a entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire avant qu'il ne meure, cinq nuits avant qu'il ne meure, qu'il disait: je m'innocente auprès d'Allah d'avoir parmi vous un Khalil. Et un Khalil, c'est un aimé d'un amour qui est l'amour le plus haut. Ils traduisent par ami proche, mais l'ami proche, c'est une tarjama, je ne vois pas quelle est munasiba. Allah Allah. Il dit car Allah m'a pris comme Khalil, comme il a pris Ibrahim comme Khalil. Et si je devais prendre un Khalil dans ma communauté, j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil. Et ceux d'avant vous ont pris les masajid, ou plutôt ont pris les kouburs de l'anbiya masajid. Ne le faites pas, ne prenez pas les kouburs comme masajid. Certes, je vous interdis de faire cela formellement. Naam. Donc, comme on l'a dit, les khulla, Khalil, c'est quoi les khulla? C'est a'la min al mahabba. C'est le niveau le plus haut de la mahabba, de l'amour. Dans l'amour légiféré. Quand même, l'amour légiféré, le fait que tu es un khalil, c'est pas dire que tu l'aimes plus que Allah. Bien évidemment. Et là, ce hadith démontre le fort de Abu Bakr Siddiq, radhiyallahu anhu. Il y a une ishara, comme cela va venir, dans les masail, qui sera le khalif. Par contre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenne pas des gens comme khalil, n'empêche pas que des gens le prennent lui comme Khalil. Comme quand Yakoul Abu Huraira, qu'al li Khalili sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'eux le considèrent comme étant leur Khalil. Mais lui n'a pris personne comme Khalil. À ne pas confondre dans la mas'ala. Et le shahid du hadith, c'est à la fin. Quand il dit que ceux d'avant eux, c'est-à-dire les gens des Oumam, prenaient les kouburs de leur masajid, de leur les kouburs de leur NBA masajid. Qala al-shaykhu rahmahullah ta'ala mana'a min hadha bi thalath turuq, qu'il a interdit de faire cela par trois voies, c'est-à-dire de prendre les kouburs comme masajid. Premièrement, il a blâmé les actes de ces gens-là, ceux qui étaient avant nous qui ont fait cela. Ensuite, il a interdit en disant « La tattarizu ». Et après, il a bien dit « Je vous interdis formellement de faire cela ». C'est-à-dire c'est vraiment strict. C'est strict et c'est clair. Et malgré cela, tu vois des gens quand même qui se noient là-dedans en faisant des massages sur les koubours. Pour les alikas. Et le frère Mounir, il a fait des audios dernièrement dans lesquels il cite les adillah de l'interdiction de construire des kouburs, ou plutôt des masajids sur les kouburs. Et même de les élever, car c'est un moyen qui mène à aller vers le shirk. Comme a dit le hadith Ali, le même qu'on cite souvent, qala la tada kabran mushrifan illa sawaita wa la suratan illa tamasta. Ne laisse pas une tombe élevée sur la planière. Ne laisse pas une image sans l'effacer. Regarde bien, c'est quoi le sebeb de ces deux choses-là? Hadha wasilatun ila shirk. Élever une tombe en soi n'est pas du shirk. La sourate en soi n'est pas du shirk. Mais ce sont des grands moyens qui y mènent. On l'a pris dans quoi? Dans ce qu'on fait le peuple de Nour, in sabat. Ça a commencé comme cela. Taswir, représentation, tamam, et venir vers leur kubur. Et c'est ta'adjab que tu vois des gens dans la sunna appelé au tawhid, malgré cela, autoriser les images. Il dit ce kitab tawhid, il explique, Rabbama hafazou, ils l'ont mémorisé. Hafizou, ils l'ont mémorisé, malgré cela, tu les vois, vidéo à tout va, photo à tout va, même des dessins. Bila haya, bali azu billah. Et il dit, moi, je ne vois pas que c'est interdit. Tu ne vois pas, tu es aveugle. Ce que tu ne vois pas, on n'en a rien à faire que tu vois que je ne vois pas. Nous, on voit ce que le professeur Famille a dit. Eh bien, ton avis, je ne vois pas. Les gens, c'est adib. Je ne vois pas. Comme si son avis était une chose qui avait un poids. Je ne parle pas là des aïmèques ou fanichètes qui sont trompés. Là, je parle des suiveurs. Qui parlent comme si c'était des gens de science. Moi, je ne vois pas. Je n'ai pas été convaincu. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire pour toi à ce moment-là. À part mettre en garde contre cette erreur. Fumakol. هذه مبالغة منه في النهي عن ذلك لأنه وسيلة للشرك كما حصل الآن. Donc il a dit ça, c'est une, comme on dit, c'est une sévère interdiction qu'il a fait, dans laquelle il a été très strict, car c'est une, parmi les plus grandes causes qui mènent au shirk, comme c'est le cas actuellement. وقال لي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن من شرار الناس من تدركه ساعته وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد روى أبو حاتم في صحيحه وصححه الألباني رحمه الله تعالى qui le dit sur ابن مسعود que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et sert parmi les pires des gens ceux dont l'heure les rattrapera alors qu'ils sont vivants et ceux qui prennent les lieux ou les kubours comme masajid. D'ailleurs, tu sais que la salat dans le maqbara, c'est interdit. Et la salat vers un kubr, c'est interdit. Et pour cela, même la salat dans le maqbara, salat al-janaza, elle diffère de la salat au masjid. Il n'y a pas de sujoud dedans. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de sujoud. Pour bien quoi faire ? Al-hajiz. Fermer les portes. Tu fais la salat dans le maqbara devant le kubr, quand même, et le kubr il n'est pas encore enterré, ou des fois ça peut être après, ça dépend. Et la salat diffère de la salat qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans la farida dont je parle, pour fermer les portes justement à ce genre de choses. Et là, Minefawaid, il dit que les pires des gens sont ceux sur qui vient l'heure, as-sa'a. Wa jaa fi hadith, لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق حتى تقوم الساعة. En fait, Sallam il a dit qu'il y a un groupe de ma communauté qui cessera d'être sur la vérité jusqu'à ce que vienne l'heure. Comment on lit entre ce hadith et celui qu'on vient de citer maintenant? Les ulama disent il est courbe ça, en fait ça veut dire à proximité de l'heure, c'est-à-dire ils mourront avant. Un vent d'où viendra et prendra l'âme de tous les croyants et il ne restera que les koufars sur terre lorsque l'heure viendra. Donc le ta'wil du hadith, il est courbe et sa'a, en fait. Allez, vous prenez Masa'il de ce bab. Qal, fi Masa'il, al-oula, ma zakara a Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, fi man bana masjidan, ya'budullaha fihi inda kabr rajulin salih, walau sahat niyatul fa'il. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité pour celui qui construirait un masjid pour adorer Allah auprès de la tombe d'un homme salih, même si sa niya elle est bonne. Cela est un acte qui est batil et qui est interdit. Athaniya, annahi an atamathil wa ghalita al-amr fi dhalika. L'interdiction de faire des représentations. Et la tamathil c'est plutôt des statues. Et qu'il a sévèrement interdit cela. Et ça rentre également dans le toute forme d'image. Des êtres qui sont dotés d'âme. Athalitha, al-ibratu fi mubalaghati sallallahu alayhi wa sallam fi dhalika. Kayfa bayyana lahum هذا اولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع وفي النزع لم يكتفي بما تقدم. Qu'il a dit justement qu'on prend en considération quelque chose, la sévérité dont il a fait preuve dans cette interdiction et comment il aurait éclairci cela en premier lieu, et ensuite il a encore répété cela 5 jours avant de mourir, c'est-à-dire il est dans les arbres de la mort et il répète la chose, c'est-à-dire que c'est vraiment important, c'est primordial. Une chose qu'il a répété et dans les moments les plus durs de sa vie. Arabia, nahihi an fi'lihi 'inda qabrihi qabl an yujad al-qabr. Qu'il a interdit de faire cela auprès de sa tombe avant même que sa tombe ne soit présente. Al-khamisa annahu min sunan al-yahud an-nasara fi qubur al-anbiya'ihim, que cela fait partie des sunan, des traditions des nasara des yahoud dans les qubours de leurs anbiya. Al-sadisa la'natuhu ولعنه اياهم على ذلك ولنعه اياهم على ذلك. Qu'il a appelé la malédiction sur eux pour cela. السابعه ان مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره ايانا من قبره عن قبره. Et son but en cela c'est de nous interdire nous de faire pareil avec sa tombe. الثامنه العله في عدم ابراز قبره, la raison pour laquelle sa tombe n'a pas été mise en évidence, enterré de façon apparente à portée de tout le monde. At-tasi'a fi ma'na ittikhadhiha masjida. Qui veut dire par là dans le sens de la propre masjid, c'est-à-dire d'en faire un lieu d'adoration. Al-ashira annahu karrana bayna man ittakhadhaha masjida wa bayna man taqumu 'alayhim as-sa'a. Fa dhakara adhari'atu lil-shirki ka buku'ihi ma khatimatihi. justement, qu'il a fait une comparaison entre ceux qui ont pris le Kubur Masjid et entre ceux sur qui l'heure arrivera, qui sont les pires de la création. Car cela est une chose qui mène vers le shirk. Al-Hadiyat-Achar, zikruhu fi khitbatihi, qabli mouti bi khams. أرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهما رافضة والجهمية بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة الكبور وهم أول من بنى عليها المساجد كلا دصا خدبة كلا في 5 jours avant de mourir apparemment c'est une khutba dans le hadith c'est pas stipulé que c'est une khutba et qui a un rod au pire groupe des gens de la bid'a et que certains les ont sortis de l'islam. Ils sont les Rafida et les Jahmiya. Et que les Rafida sont les causes par qui le shirk a eu lieu par l'adoration des Kubur. Ils sont les premiers à avoir construit des messagers sur les Kubur. Moi, je ne sais pas qui est écrit sur les Rafida. Moi, je connais qu'il y a Ijma' que les Rafida, c'est les Kuffar. Adali A'lam. Le Jahmiya, Allah a'lam, est-ce qu'il y a Ijma'? En tout cas, il y a Rafida, moi je connais qu'il y a Ijma'. Après, s'il dit cela, c'est peut-être qu'il n'y a pas Ijma'. Il hasbi ilmi. Al-Thaniya ta'ashar. Ma bouliya bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min shiddat al-naza'. Il y a ceux qui l'ont enduré justement comme épreuve avant de mourir. Al-Thaniya ta'ashar. Comme il était honoré par la khulla, c'est-à-dire qu'Allah l'a pris comme khalil. Arabiata Asha, et tasrih bi annaha ala a'la min al-mahabba. Que cela démontre que la khulla est plus haut que le mahabba. Wa tasrih, 15, et tasrih bi anna siddiq afdal sahaba. Que cela démontre que le siddiq Abu Bakr est le meilleur des sahaba. Contrairement à ce que disent les rafida qui l'insultent et le rendent kafir. Al-16, al-ishara ila khilafati, qui est une indication au fait qu'il sera un calife. Ibn Khouz al-Bab al-Isbardo wa Qasir. Wa muta'alikun bil-Bab al-Sabir, kazalik. Il est en lien avec le Bab précédent et même celui d'avant et d'avant. Qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala, Bab ma ja'a anil ghulu fil-kubur, ou fil-kubur al-salihin, yusayyiruha awthanan tu'bad min dunillah. Donc qui est venu que l'exagération dans les kubours des salihin, une chose qu'on a fait des awthan, des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. Donc là, c'est justement un rod à ceux qui s'apparentent à l'islam aujourd'hui, qui prennent des kubours et qui disent, nous, on n'adore pas d'awthan, des asnam. On dit, bah si, justement. Le fait que tu en as fait une adoration vouée vers ce kubr, c'est devenu un wafan. Et c'est comme beaucoup de gens l'ont fait, avec les kubours des salihin, comme celle de Al-Hassan, Al-Hussein, Al-Fatima et autres. Si jamais ils ont trouvé leur kubour. Car certains prétendent que là c'est le kubour de Hussein, fi Irak, Ba'doum Karou, fi Misr, wakada wakada. Et ils en ont fait de même dans cette umma avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont mis à l'invoquer en dehors d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال المؤلف رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهذا الحديث صححه الألباني كمالك في الموطأ كل مسجد الله صلى الله عليه وسلم أدي أو الله ne fait pas de ma tombe une idole qu'on adore. Et il dit que la colère d'Allah s'est accrue sur un peuple qui a pris les tombes de leur anbiya comme étant des masajid, des lieux d'adoration. Donc là, on voit bien que le fait de prendre un kubr en commun d'adoration, ça va devenir un wasan, comme le hadith le stipule clairement. Et là, fi isbat sifatillah al-ghadab, la colère d'Allah, elle a affirmé dans ce hadith. Et que ce ghadab, quand même, il s'accroît. Hatta déjà fi hadith fi shafa'a, qu'Allah est. إن كما قال الأنبياء إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. Il a dit que mon Seigneur aujourd'hui une colère sans précédent, qui n'a jamais été en colère comme cela auparavant et qui ne sera pas de la sorte par la suite. C'est-à-dire que le ghadab d'Allah est tafawat. Est tafawat. Il diffère. Donc ces gens ont pris des koubours comme lieu d'adoration. Ce qui cause la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également sa malédiction, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le bête précédent, on a appris qu'il avait fait dua de la la'na sur les Yahoud et Nassara pour cela. Donc ce dua est valable pour nous également. Toute personne qui agira de la sorte. Qala al-mu'allif Wali ibn Jarir bi sanadi an Sufyan an Mansour an Mujahid qala afara'aytum al-lat wal-uzza qala kana yulattu lahum as-suwayk فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ. Donc dans le tafsir du Qulillahi Azza wa Jal, avez-vous vu Al-Lat ou Al-Uzza? Et dit Al-Lat, c'était un homme justement qui faisait Yaluttu, c'est-à-dire qu'il broyait le Souhaïk qui donnait à manger au Hujjaj, au pèlerin. Et quand il est mort, les gens sont recueillis près de sa tombe. Donc là, Al-Lat, ça a été pris de ce verbe. Lata Yaluttu. Et Al-Uzza, ça a été pris de Al-Izza ibn Aziz ibn Asma'illah. Donc à la base c'était un homme Salih, et par la suite les gens se sont mis à se recueillir auprès de sa tombe. C'est devenu un wafan par la suite. Au début les gens ne l'adoraient pas, mais par la suite, comme ce fut le cas de Qabl Nour, avec le temps, génération après génération, ça a été oublié, c'est devenu une ibada. Wa qala wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam za'irat al-kubur wal muttakhidhin 'alayha المساجد والسرج رواه أهل السنن وهذا ضعفه الألباني. C'est Ibn Abbas que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui visitent les tombes et ceux qui en font des masajid et des lieux d'éclairage, qui mettent des lanternes pour les éclairer. Et l'Albani a ضعف ce hadith. Mais le hadith, je pense qu'il doit avoir d'autres turuq التي يصحح بها قال الحكم المعروف نفس المساله. Donc dans ce hadith il y a le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui vont faire les ziyarat al-kubur. C'est une masala sur laquelle il y a un grand khilaf, est-ce qu'il est permis à la femme ou pas de faire ziyarat al-kubur, d'aller dans la maqbara, visiter les tombes? Il y a un khilaf. Un grand khilaf. Et le col de Cheikh Ibn Baz, il voit que c'est interdit. Cheikh le Machad de Maj, il voit la permission, comme Cheikh Mokbil, Kazalik. Il se base sur des adillah et certains réfutent ces adillah. Donc la mas'ala, c'est un long barf. On ne va pas le citer là maintenant. Et l'avis de Cheikh Ibn Baz, là, dans ce bab, c'est que c'est interdit. Et les hadiths sur lesquels se basent les autres, eux, ils arrivent à réfuter et à interpréter la cause qui ne mène pas à la permission. Cheikh Al-Othamine, dans son livre Qawl al-Mufid, lui cite le khilaf et redoud sur les adillah. Lui aussi voit comme Cheikh Ibn Baz, c'est interdit. Je pense que yani jul aimat al-najd, les gens de Saoudi, je crois qu'ils voient l'interdiction. C'est ce qui me semble. Allah alam. Également, le fait d'y faire des masajid. Ça c'est ma'alouf, c'est la masala qu'on a appris. Et d'y faire mettre des lanternes. Et Cheikh Al-Fawzan, lui, il voit l'interdiction mutlaqan. Tu n'éclaires pas un maqbara. Tu ne mets pas de lanterne ni de lampadaire ou quoi dans les maqbara. Il n'y a pas. Car c'est une chose qui amène au shirk. Quand des ulama dit c'est une haja, tu enterres de nuit, là, si tu veux qu'une lanterne, tu éclaires le temps d'enterrer. Quand c'est fini, tu éteins et tu pars. Mais il n'y a pas de mettre des lampadaires, des réverbères, ce genre de choses, sur les koubours pour les éclairer. Les éclairer, c'est des choses qui mènent vers le shirk. Maintenant, si ces réverbères sont à l'extérieur, par exemple, le maqbara, il est près d'un lieu de passage. Quand même, il dit ça, ma fimania. Ou si jamais le maqbara, il est grand, et tu as des chemins entre les koubours, large, chez Orfamine, lui, dans le Kolmoufid, il dit la baisse qu'il y ait des lanternes pour éclairer juste le passage, pas les koubours. Le passage, mais dit le meilleur, pour fermer les portes, c'est de pas le faire. Il voit que c'est pas interdit, mais le meilleur, c'est pas le faire. Pour fermer les portes à tout cela. Donc là, ce bab-là, il revient à l'autre. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire cela. Et le shahid, là, ici, c'est de prendre le masjid, le kobr, comme un lieu d'adoration. Et de venir auprès de ce kobr, de faire le dua. Même penser que cela, il y a une baraka en ce lieu. Car ça reviendra à quoi? Comme dans le bab qu'on a pris de Zat al-Anwat. Zat al-Anwat, plutôt. Qui met une baraka dans un lieu qui n'a pas de baraka. Et il n'y a pas de baraka auprès du kobr du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour invoquer. Il n'y a pas, Kazalik Dalil. C'est un problème ou ça se parle? Parce que ce lieu-là. Si il invoque par rapport à la personne elle-même, c'est le même tafsir qu'on a pris. C'est le même tafsir que ce qu'on a pris auparavant. Non. Ah, mais maintenant il invoque Sahib al-Kobb directement. Ah, c'est Mishk Akbar. Il y a Kalam. Prenez ma sa'il. Qal. Al-Oula, tafsir al-Awthan. C'est quoi le sens de Awthan? On a expliqué la différence entre l'Awthan et l'Asnam. C'est quoi? C'est quoi un Awthan et c'est quoi un Asnam? Un Asnam, c'est ce qui a été forgé par l'humain. Ce qui était façonné. Façonné, ouais. Et Awthan, c'est l'arche, en fait, comme le soleil, la lune, tout ça. Et Awthan, le Asnam, ça rentre dans. Asnam, Kulu Asnam, Awthan. Vous voyez, c'est Kulu Awthan, Asnaman. Le Awthan, c'est une chose qui, telle qu'elle est, elle a été prise comme étant un cobre, c'est un Awthan. Parce qu'à la base, elle n'a pas été prise pour être adorée. Mais à partir du moment où on devient adoré, ça devient wasan comme le prouve le hadith. La thaniya, tafsir al-ibada. L'explication de l'ibada. La thalitha, annahu sallallahu alayhi wa sallam, lam yasta'iz illa mimma yakhafa wuku'a. Qu'il n'a pris cherché une protection que d'une chose dont il a peur qu'elle ne se produise. La rabiha, il a comparé cela au fait de prendre les kubur d'anbiya comme étant des masajid. Al-Khamisa, dhikr shiddat al-ghadab min Allah. Il a cité la grande colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sadisa, wa hiya min ahammiha ma'rifat sifat ibarat al-lat allati hiya min akbar al-awthan. Qui est parmi les plus importantes masa'il, savoir comment al-lat justement s'est fait adorer. Qui est parmi les plus grands des Awthan des Arabes à l'époque. Al-Sabi'a, ma'rifat annahu kabr rajulun salih. Qu'on a su que c'est à la base un kabr d'un homme pieux. Donc lui n'a pas adoré, n'a pas appelé à fouen, n'a pas appelé à se faire adorer. Al-Thamina, annahu ismu sahib al-kabr. Wa zakara ma'na al-tasmiya. Qu'à la base, Al-Lat, c'est le nom de l'homme qui est dans la tombe. C'était pris du verbe latayalutto. Tasi'a, la'nuhu zawarat al-kubur, qu'il a maudit les femmes qui vont visiter les kubur. Al-ashira, la'nuhu man asrajaha, qu'il a maudit ceux qui écrivent à les kubur, qui mettent des lanternes pour écrire les kubur. Hadha kana alladhi akhadna al-yawm, akhadna babayn. Naam. Nabiyadana kafi wa nakul alhamdulillahi rabbil alamin.